Le marquis de la Charnay, d'Édouard Ourliac. Marie-Athanase Chrétien, marquis de la Charnay, capitaine au régiment de Flandre, quitta le service en 1782 après la mort de sa femme qui lui laissait deux enfants à élever. On lui apprit subitement cette nouvelle à Perpignan où il était en garnison. Il revint en hâte à sa terre de Vauvert en Poitou et trouva le pays désolé de la mort de la marquise qui s'était faite adorer. Il avait alors 45 ans, ses enfants étaient fort jeunes, son fils avait 10 ans, sa fille 8. Le soin de leur éducation, la surveillance de ses propriétés, le retenaient impérieusement. Il régla sa sortie du corps avec le ministre et se retira définitivement après 25 ans de service avec sa croix de Saint-Louis et sa pension de retraite d'environ 600 livres. Il remit ordre à ses affaires, prépara son fils aux études de l'école militaire et reprit peu à peu le train de vie des gentilshommes poitevins, hommes pieux et simples pour la plupart, gens de la vieille roche, vrais campagnards et grands chasseurs. Le château de Vauvert, dont on ne voit presque plus rien aujourd'hui, était situé au milieu de cette partie du Poitou qu'on appelle le Bocage, à cause, comme on sait, des grands bois qui la couvrent. Le domaine était en outre environné d'un parc considérable, et c'était après avoir cheminé longtemps dans des bois perdus au milieu des solitudes les plus sauvages qu'on se trouvait tout à coup devant la grande porte, toujours ouverte. Au pied du mur, les vieux fossés, tout éboulés et embarrassés d'herbes aquatiques, n'étaient plus que des flaques d'eau croupie où barbotaient des oisons et des canards. On les avait tout à fait comblés par une chaussée devant la herse. La cour où l'on entrait d'abord, avec ses hangars, des charrettes acculées çà et là, et son attirail de travaux champêtres, avait quelque apparence d'une grosse ferme. Il restait de l'ancien château une aile ruinée qu'on n'habitait plus et séparée des bâtiments neufs par une porte en arcade menant au basse-cour, rejetée sur les derrières du côté du jardin. Il y avait là une grosse tour flanquée de sa tourelle où tenait encore un gros pan de mur à demi démoli. On montrait au pied de cette tour une porte basse, donnant sur des souterrains qui avaient été, disait-on, la prison seigneuriale, où l'on voyait encore de gros anneaux de fer scellés dans les voûtes et les piliers. Le marquis, sans avoir ce que l'on appelait alors des préjugés, plein de respect pour le passé, n'avait point voulu qu'on touchât à ces vestiges. Ils servaient pour le présent de grange, d'étable et même de colombier. La paille paraissait à travers les meurtrières. Des touffes d'herbes couronnaient les remparts rangés de mousse et des pigeons se jouaient sur les débris des créneaux. Le château neuf, bâti au commencement du siècle par l'aïeul du marquis Antoine de la Charnay, était un solide bâtiment de pierre à deux étages, fort simple, composé d'un corps de logis à cinq fenêtres de façade et de deux pavillons carrés en saillie, le tout couvert d'ardoises, la girouette au pignon, et dans le goût de ce temps-là, un perron de 10 degrés montait de la cour dans le vestibule et descendait par 10 autres marches dans un jardin à la française, moitié potager, moitié d'agrément, clos de haies vives et bordé de chaque côté de 2 avenues de tilleuls taillées en voûte. Ensuite venait le parc, qui s'étendait au loin, et qui, débordant les ailes du château, l'enveloppait pour ainsi dire jusqu'au fossé. Le village, ou plutôt la paroisse de Vauvert, était à 2 portées de fusil de là. Ce n'était qu'une réunion de fermes éparpillées dans l'espace d'une demi-lieue, vivant du château et relevant tout autrefois du domaine. La famille de la Charnay, depuis longtemps vouée à l'état militaire, non seulement n'avait pu améliorer et accroître ses propriétés, mais encore s'était vue forcée de les vendre pièce à pièce pour se soutenir au service. C'était d'ailleurs un usage presque général parmi les gentilshommes poitevins de partager les revenus d'une terre avec le métayer et de n'en jamais augmenter le fermage, bien que le temps et la culture en eussent souvent décuplé la valeur. Le marquis, à cause du triste événement qui le ramenait, ne fut point fêté comme à l'ordinaire, mais ce morne accueil ne prouvait que mieux le profond attachement qu'on portait à sa maison. Ce paysan, à vrai dire, ne l'avait jamais perdu de vue. Outre les congés de semestre, à moins qu'il ne fût en campagne, il n'avait jamais manqué de venir passer un mois ou deux à Vauvert au temps des moissons. Il comptait des frères de lait parmi les paysans de son âge, et l'on se souvenait encore de l'avoir vu tout enfant. La douleur de sa perte, un peu apaisée, et tout à fait remis au train de gentilhomme campagnard, il reprit les habitudes de famille. Il visita ses paysans, renouvela les baux de ses fermes, selon l'usage, et but le coup de vin dans chaque chaumière. Il était de toutes les fêtes de ces braves gens. Il assistait au mariage, il tenait les enfants sur les fonts baptismaux avec quelques bonnes femmes du pays, et ne dédaignait pas de s'asseoir à leur table. Son fils jouait fraternellement dans les pacages avec les plus humbles enfants de la paroisse, qu'il appelait tout simplement M. Gaston, sans oublier jamais le respect dû à M. le chevalier. Gaston, élevé durement, leste, fort, d'une adresse singulière à manier les armes et les chevaux, était à 15 ou 16 ans un des plus hardis chasseurs de la contrée. Un peu rude, farouche, emporté, à cause de ses exercices continuels et de sa vie passée dans les solitudes, mais d'une extrême bonté naturelle, ouvert, prompt, généreux, et contenu par la sévérité du marquis son père, qu'il aimait et respectait par-dessus tout. Connu et adoré dans les environs, quand il passait au galop à travers buissons et alliés, levant sa belle tête blonde, les cheveux au vent et appelant chacun par son nom, il lui suffisait d'un signe pour faire abandonner les travaux et emmener la jeunesse dans les bois. C'était là sa plus grande équipée. Le pays est très giboyeux. Tous y sont adroits et passionnés pour la chasse. Quant aux chasses du marquis, c'était une fête de famille entre la paroisse et le château. Le jour, une fois fixé, le curé en avertissait aux prônes, donnait le rendez-vous et chacun s'y trouvait avec son fusil. Les jours suivants, le gibier se mangeait en commun dans toute la paroisse, au choc des verres vidés à la santé de M. le marquis et de M. Gaston, qui tenaient tête et faisaient raison. Le moment vint pour le jeune homme d'entrer à l'école militaire. Ce fut une perte véritable pour le pays. Mais les fêtes reprenaient quand il revenait aux vacances. On s'émerveillait de son joli uniforme et de le voir chaque année plus grand et plus fort. Le château demeura assez triste. Le marquis passait son temps à lire. Les domestiques étaient peu nombreux. C'était un vieux garde-chasse, aujourd'hui concierge, le garde-chasse qui lui avait succédé et Paulet le jardinier. Mademoiselle Thérèse Élisabeth de la Charnay n'avait auprès d'elle qu'une fille de 18 ans, sa sœur de lait, qu'on appelait Colombe, et une vieille femme de chambre de sa mère, qui restait dans la maison sans s'occuper à rien. C'était là, avec les gens qui travaillaient aux champs et faisaient les gros ouvrages, tout le service du château. Au reste, tous les paysans de la paroisse étaient, par attachement, les serviteurs de M. le marquis. 89 arriva. Jusqu'alors, les rumeurs révolutionnaires n'avaient point pénétré dans ces campagnes. Le marquis était informé de ce qui se passait par les gentilshommes ses voisins qui recevaient des feuilles publiques. On le voyait parfois hausser les épaules et quand on le questionnait, il donnait en termes vagues, avec impatience, quelques mauvaises nouvelles qu'il n'achevait pas. Le bon sens de ces gentilshommes ne les trompa guère sur la portée des prétendues réformes du jour, non plus que les paysans ne se laissèrent abuser plus tard. Des émissaires sinistres se montrèrent dans la province, essayant de répandre je ne sais quelles opinions inouïes sur les prêtres et la noblesse. Ils furent forcés de disparaître. On leur eut fait un mauvais parti. La constitution civile du clergé fut le premier événement qui ébranla le pays. Le refus de certains évêques à prêter le serment donna l'alarme. Les curés en parlèrent aux prônes. Les esprits s'échauffèrent et l'agitation commença de s'étendre. Quelques jours après, le bruit courut que les paysans de Chaland, dans le Bas-Poitou, s'étaient révoltés. Il y eut d'ailleurs d'autres séditions aussitôt réprimées. Ce furent de simples accidents qui ne troublaient pas encore toute la province. Les gentilshommes, s'affligeant avec les paysans, cherchaient plutôt à les contenir. Cependant, les événements se succédaient à Paris et retentissaient coup sur coup dans ces campagnes. La fuite du roi à Varennes répandit la stupeur. Les honnêtes gens s'indignaient du traitement fait au roi. Les paysans n'y pouvaient pas croire. Le marquis, hors de lui, résolut d'aller à Paris pour s'assurer par ses yeux de l'étrange état de la France. Son fils, sorti de l'école, s'y trouvait en ce moment avec son brevet de lieutenant. Cette circonstance acheva de le décider. Il prit des dispositions pour la sûreté de sa maison et de sa fille, qu'il pouvait laisser sous la garde de ses gens, et partit seul. Le dessein en fut pris et exécuté du soir au matin. Il arrive et trouve la capitale dans le délire de l'effervescence où elle était alors. Gaston le met au courant, lui apprend des détails horribles qu'il ignorait, et le consulte sur le parti qu'il doit prendre. On formait alors la garde constitutionnelle que l'Assemblée nationale prétendait affecter à la défense du monarque. Des officiers poitevins, et notamment M. Henri de la Roche-Jacquelin, du même âge que Gaston, lui proposèrent d'y entrer avec eux. Le marquis y consentit, mais il voulut voir le roi et lui demander lui-même la faveur de mettre son fils à son service. Louis XVI les accueillit avec son extrême bonté, parla des affaires présentes, parut rassuré sur ses dangers et permit au jeune officier de rester auprès de sa personne. Or, en ce moment, le roi était déjà prisonnier dans les Tuileries. Le marquis sortit du château, dévorant ses larmes. Gaston fut incorporé. Dans le même temps, le marquis passait un soir dans la rue de l'université où il demeurait, en habit bourgeois fort simple, car il y avait déjà grand péril pour les aristocrates, quand il fut reconnu et accosté par un homme qui l'avait suivi. C'était son ancien sergent au régiment de Flandre, du nom de guerre de Laverdure, qu'il avait obligé autrefois et qui lui était resté très attaché. Il l'avait eu d'abord pour domestique et l'avait souvent mené à Vauvert dans ses semestres. Cet homme lui montra une grande joie de le revoir et lui demanda la permission de s'informer de M. Gaston, qu'il avait vu tout enfant et à qui le premier il avait appris l'exercice. Puis, le marquis l'interrogeant sur son compte, il dit que sa compagnie étant désorganisée, il se trouvait pour le moment sur le pavé, sans grade et sans ressources. Le marquis fut touché, s'en prit à la révolution qui portait préjudice à tout le monde et lui glissa 2 louis dans la main. Mais, faisant réflexion qu'il avait besoin pour son séjour à Paris et son voyage d'un homme sûr, qui d'ailleurs ne lui serait pas inutile dans sa terre, il lui proposa de le reprendre à son service. La Verdure dit qu'on lui donnait l'espoir d'entrer dans des bataillons de nouvelle levée, où les anciens soldats avanceraient rapidement et qu'il voulait encore tenter la fortune, mais qu'il avait un frère, honnête garçon, dont la position n'était pas meilleure et qu'il serait content de présenter à monsieur le marquis. Il le lui amena le lendemain. C'était son frère aîné, un peu mûr déjà, d'un air simple et dur, mais franc et honnête. Cet homme s'appelait Mainvielle, qui était le nom véritable de la Verdure. Il ne déplut pas au marquis, lequel d'ailleurs le prit de confiance sur les recommandations de son ancien sergent. Et en effet, durant son séjour à Paris, il n'eut qu'à se louer de ce Mainvielle, dont la prudence et la discrétion le détournèrent de tout accident et lui sauvèrent la vie en plusieurs occasions où, indigné de ce qu'il voyait, il s'était laissé emporter. Monsieur de la Charnay passa 3 mois à Paris, après quoi des lettres alarmantes le rappelèrent dans sa province. Gaston, à son départ, s'efforça de le rassurer et lui jura qu'il défendrait le roi, lui et ses amis, jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Il fut convenu qu'il lui écrirait régulièrement ce qui arriverait. Le marquis trouva les provinces plus émues, et surtout le Bas-Anjou et le Poitou, où les paysans gardaient leur curé et assistaient aux offices le fusil à la main. On apprit bientôt les événements du 10 août. Gaston assista, dans cette journée, à la prise et au massacre du château. Il se battit tout le jour à côté de messieurs Marigny, Larose-Jacquelin et Charette, singulier hasard, qui réunit sur ce théâtre les plus illustres chefs de la Vendée. Quand il vit tout perdu, Gaston désespéré, son épée brisée, séparé des siens, imagina de se mêler aux égorgeurs. Il ramassa un coutelas, poignarda 6 ou 7 hommes dans cette foule ivre de vin et de carnage, s'affubla d'un bonnet rouge et s'échappa couvert de sang par la grille du pont royal. Le roi prisonnier, il n'avait plus qu'à rentrer dans sa famille, mais il se cacha dans Paris avec des gentilshommes qui entretenaient encore des intrigues dans l'espoir de délivrer Louis XVI. Les récits de cette journée accroissent le trouble dans les provinces de l'Ouest. Les règlements administratifs trouvent partout de la résistance. On s'ameute, on insulte le nouveau régime. Le général Dumouriez, commandant à Nantes, entre dans le Bas-Poitou à la tête du régiment de Rouen et des gardes nationales. Enfin vint le jour où l'on se dit avec épouvante dans les campagnes « Le roi est mort ». Cette nouvelle tomba dans le pays comme un coup de foudre. Pour en comprendre les faits, il faudrait se représenter l'idée de grandeur et de vénération inexprimable qu'attacha alors à la royauté le peuple des champs et des provinces. 2 mois après, l'Anjou, le Poitou et une partie de la Bretagne étaient en pleine insurrection. Mais les partis ne se connaissaient point, la ligue n'eut point de chef. Tout rentra dans un calme apparent. Ce fut Gaston, parti de Paris à travers 1000 dangers, qui confirma à Vauvert le bruit du supplice de Louis XVI. Le marquis l'embrassa sans parler. Ce qu'il ne pouvait concevoir, c'est qu'il ne se fût point tiré un coup de fusil dans un pareil jour. il lui échappa de dire qu'il avait honte d'être français. Jusqu'alors, la paroisse était tranquille. Elle était des plus écartées et les agents du gouvernement l'inquiétaient peu. On essaya d'arracher le banc seigneurial de l'église. Il fut replacé aussitôt. Le curé disait toujours la messe et les paysans en armes entouraient l'autel. Bien des gens encore ne croyaient pas à la mort du roi. Il ne fallait qu'une étincelle pour mettre le pays en feu. La convention annonce pour le 10 mars la levée en masse de 300 000 hommes. On sonne le tocsin, les paysans s'arment, s'assemblent et chassent les maires et les gendarmes. 900 communes se soulèvent sous M. Delbé. Le 11 mars, les jeunes gens convoqués à Saint-Florent pour tirer à la milice dispersent les autorités. Catlinot se met à leur tête et emporte Jallet, Chemillé, Cholet. On arrache Bronchamp et d'autres anciens officiers de leur château. On les prend pour chefs. La Basse-Bretagne et le centre du Bocage se soulèvent à leur tour. On s'empare en 5 jours de Villiers, Chaland, Machecoul, Léger, Palluau, Saint-Fulgent, les Herbiers, la Roche-sur-Yon, et l'insurrection victorieuse s'étend dans toute la province. Comme on prenait les armes de toutes parts autour de Vauvert, la paroisse était dans une grande fermentation. Mais le marquis refusait de se prêter à de misérables tentatives qui ne pouvaient qu'aggraver les maux du pays. Gaston, que ces rumeurs de guerre faisaient bouillonner, était allé à Clisson, chez M. de Lescure, voir où en étaient les choses. Il avait assisté, chemin faisant, aux armements de plusieurs paroisses qu'il avait remplies d'impatience et d'enthousiasme. Il rencontre en revenant une troupe de ces paysans armés de pioches, de fourches, qui couraient à Vauvert, fuyant les recruteurs. L'un d'eux lui dit « Est-il bien vrai, M. Gaston, que nous ne marcherons pas avec nos frères de Clisson ?»« Oui, oui, mes amis, » dit Gaston, « nous marcherons. » Les paysans poussent des cris de joie, entourent le cheval et arrivent, menant Gaston en triomphe. Cependant, les gens de Vauvert s'étaient rassemblés en tumulte dès le matin dans la cour du château. Le marquis demande ce que c'est. Une députation des plus notables monte auprès de lui. On lui expose comme quoi les paysans sont résolus à mourir en combattant plutôt que de quitter leurs femmes, leurs enfants, leur pays, pour obéir à la loi de la conscription. Ils font valoir l'exemple des paroisses voisines, leur succès, la nécessité de les seconder. Et ils pressent le marquis de se mettre à leur tête. Le marquis hausse les épaules en disant qu'il se ferait conscience de mener la boucherie de pauvres gens sans armes et sans discipline. Quoi qu'on pût ajouter, il demeura inébranlable. Les paysans reviennent tristement porter sa réponse, qu'on accueille avec des vociférations. Le désordre redouble. Les plus hardis disent qu'on a bien forcé messieurs Bonchamp et Charette à prendre les armes, et qu'on sera bien contraint dans le marquis à marcher. Ces hommes, qu'il adorait, ne le connaissaient plus et n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes. Ils s'écrient qu'ils ne sortiront pas du château que le marquis ne soit avec eux. On met le feu à une charrette de paille, des furieux s'emportent jusqu'à commettre quelques dégâts, et par intervalles, les cris reprenaient comme une tempête. « Monsieur le marquis, monsieur le marquis !» Le marquis se mit à la fenêtre, pâle de colère. Une acclamation s'éleva, on jeta les chapeaux en l'air, les paysans agitèrent leurs fourches. Monsieur de la Charnay les regardait fixement, prenant en pitié cette multitude impuissante. Mais il était livré à d'étranges combats. Cette fureur, cette indignation qui répondait si bien à la sienne, l'échauffait par degrés, et il avait peine à se contenir. Les paysans étaient si transportés qu'ils ne s'intimidaient pas de ce regard et de ce silence, mais ils criaient toujours « Monsieur le marquis, ne craignez point, nous nous battrons bien, tue les bleus, tue, marchons !» Ces cris se répandaient et formaient une grande clameur. Des femmes circulaient dans la foule, élevant sur leurs bras de petits enfants qu'elles montraient au marquis. « Ils brûlent nos moissons, ils ont tué le roi !» cria par-dessus les autres un paysan exaspéré. Le marquis tressaillit à cette parole et disparut. La corde sensible avait vibré. Il était monté dans les combles du château. Il reparut, toujours courant, les bras chargés de fusils, de pistolets, de vieilles armes de toute espèce, qu'il jeta au milieu des paysans étonnés. « Prenez ceci du moins, Butor, et allons nous faire tuer. Cela sera bientôt fait. » Les domestiques apportèrent aussitôt un fait de vieux harnais et de tout ce qu'il y avait au château d'armes de chasse. Les paysans se jettent là-dessus, poussant des hurrahs et baisant les mains de M. de la Charnay, qui leur rendait des bourrades. Mademoiselle Thérèse, derrière son père, supportait à elle seule les excès bruyants de cette joie. À ce moment même, Gaston entrait dans la cour à la tête de la troupe qu'il avait rencontrée. On se retourne, on court à lui, on le salue de grands cris, on tombe dans les bras les uns des autres. Son arrivée met le comble à cette scène d'ivresse et d'enthousiasme. Les sentiments, les bruits se confondent et s'accroissent. On brandit les armes, on crie de toutes parts « Vive Monsieur Gaston, vive Monsieur le Marquis !» Il n'y avait plus moyen de contenir cette foule exaltée. Gaston embrassa son père et lui donna, de la part de Monsieur de Lescure, des nouvelles et des instructions qui achevèrent de le décider. Le marquis annonça qu'on allait partir pour se joindre au corps de Monsieur de la Roche-Jacquelin. Il prit quelques dispositions avec sa fille et les principaux d'entre les paysans, monta à cheval, et l'on quitta Beauvais au cri de « Vive le roi !» au milieu des femmes et des enfants qui accompagnèrent les paysans jusqu'à plus de 2 lieues. Le général républicain Marsay s'était avancé à la tête de forces considérables et venait d'être battu. À dater du 13 avril 1793, les chefs poitevins se réunissent et les divisions d'Elbé, Stofflet, Châtelineau, Bérard forment la grande armée catholique et royale d'Anjou et au Poitou. Le marquis de la Charnay, à la tête de sa paroisse, fut accueilli avec les égards qu'on lui devait. Chemin faisant, de vieux officiers, des gentilshommes des environs, M. de Vandœuvre, son beau-frère, et M. de Châteaumur s'étaient joints à lui. En sa qualité d'ancien capitaine, étant à cause de son âge que de son mérite bien connu, il aurait pu commander ce qu'on appelait une division. Mais les paysans du canton avaient élu le digne Lescure. Il se rangea modestement sous ses ordres. Au reste, cette espèce d'organisation et surtout le nombre des combattants, là où il n'avait cru trouver qu'une mutinerie d'enfants, commencèrent de l'étonner. Il essaya plus sérieusement de mettre quelques disciplines dans sa troupe, mais il manquait de patience. Ce défaut venait de ses habitudes militaires prises dans l'extrême régularité de l'ancien service, et dès qu'il s'agissait de manœuvres, il s'emportait jusqu'à la violence. Après la première organisation de l'armée, les Vendéens marchent sur Beaupréau. Les Républicains leur opposent 6 000 hommes. C'était la première fois que M. de la Charnay se trouvait en face des Jacobins, comme il les appelait. Il s'élança comme un lion à la tête de ses paysans, qu'il avait inutilement voulu dresser à des semblants de tactique. Ces hommes étaient pleins de courage, mais il était impossible de leur faire entendre un commandement. « Égayez-vous, mes gars !» criait M. de la Charnay, qui s'y était habitué. C'était leur seule manœuvre, qui consistait à s'étendre, à déborder les ailes des Bleus et à tomber sur eux comme la foudre. Les Républicains furent écrasés. On chante le Te Deum sur le champ de bataille, on tient conseil et l'on marche sur Thouars. L'armée était enflammée de ses premiers succès, et le marquis, voyant la guerre commencer ainsi, ne désespérait plus de la France. Quétineau défendait Thouars avec une armée. On connaît les détails de cette journée. Bonchamp presse la ville de front, tandis que Lescure remonte la rivière pour tomber en flanc sur l'une des portes. Les troupes qui défendaient le pont sont culbutées. On se battit tout le jour. Lescure attaque la porte avec furie. La Roche-Jacquelin escalade la muraille sur les épaules d'un paysan et pénètre tout seul dans la ville. Lescure fait un effort, la porte cède, le marquis s'avance, l'épée à la main. À ce moment, on entend partout les cris « On se rend, on capitule !» Il y avait là une pièce de canon chargée à mitraille. 2 canonniers en fuyant y mettent le feu. M. de la Charnay roule à 5 pas, fait un tour sur lui-même et tombe le visage contre terre, un éclat de mitraille l'avait frappé à la tête. On court, on le relève, il avait le visage couvert de sang. On l'emporte, le croyant mort. Ses paysans s'arrachent les cheveux autour de lui. Ce ne fut pas remarqué tout d'abord, au milieu d'une si belle victoire et de tant d'autres pertes. M. de Lescure ne sut l'événement que le lendemain. Gaston s'aperçut le premier que son père donnait quelques signes de vie. On pose un premier appareil sans visiter la plaie. On fait chercher un médecin dans la ville, mais les habitants avaient pris la fuite et l'armée n'avait ni bagages ni chirurgien. Gaston, sur le soir, se procure un mauvais chariot. Il fait placer son père, bien enveloppé, et le ramène à Beauvert avec 4 ou 5 de ses hommes, qui suivaient consternés. Un chirurgien fut mandé à Bressuire et arriva au château en même temps que le convoi. Gaston avait pris les devants pour préparer sa sœur, qui montra d'abord un courage surprenant et cria seulement « Où est-il ?» Elle prit la main de son père, qui pendait hors du manteau, et la couvrit de baisers. On porta le marquis dans son appartement. Il avait repris toute sa connaissance. Il appelle sa fille et la serre dans ses bras. On lève le premier appareil posé sur le front et les yeux. Le médecin examine la blessure, paraît surpris, hausse les épaules. La plaie n'était rien. L'éclat de mitraille, rasant le visage, avait entamé le nez à la naissance du front. Les cils étaient brûlés, les paupières légèrement offensées, mais le globe de l'œil était fixe, éteint. Le marquis s'agite, passe les mains sur sa figure, bat l'air de ses bras. « Je veux voir mes enfants, je n'y vois pas !» Il pousse un grand cri, il était aveugle. Gaston prend en collet le médecin qui demeure muet. Mademoiselle de la Charnay, épouvantée, ne devinait pas encore. Ce fut un moment déchirant. Le marquis se remit à crier en bondissant sur le lit. « Monsieur le médecin, suis-je donc aveugle ?» Déjà égaré par la fièvre et l'irritation du voyage, se déchire le visage. Sa fille se jeta sur lui et parvint à le calmer en lui parlant de Dieu et de sa mère morte. Il tomba dans un silence stupide. Une fièvre cérébrale se déclara à la suite de ce profond désespoir. Le curé de la paroisse était arrivé et la religion acheva de contenir le marquis. Cependant, quand il songeait à la guerre, à ses espérances, et qu'il avait perdu la vue en un tel moment, après une victoire, il lui prenait des accès si violents qu'il fallait le surveiller sans cesse et de très près. Sa fille ne le quitta point d'une minute. « Ayez pitié de moi, mon enfant, lui disait-il, je perds la raison. C'est que véritablement, mon Dieu, ce malheur était au-dessus de mes forces. » Le septième jour, il dit à Paulet, l'homme qui le veillait, d'aller chercher son fils et s'adressant à Gaston, « Monsieur le chevalier, Dieu ne m'a pas fait la grâce de le servir plus longtemps. Je vais garder la maison comme une femme. Vous n'avez plus rien à faire ici. Allez retrouver monsieur de Lescure et tenir ma place à l'armée. » Il prit la tête de son fils dans ses bras et l'embrassa, s'efforçant de cacher l'altération de ses traits. Il reprit d'un ton ferme, « Partez, que mon nom ne s'efface point d'entre ceux de ces braves gens. » « Je n'osais partir sans votre congé, dit le chevalier, mais j'en étais impatient. » Il fut convenu qu'il écrirait le plus régulièrement possible ce qui se passerait, et le lendemain, au point du jour, il monta à cheval sans avertir sa sœur et s'en retourna avec les hommes qui avaient accompagné le marquis. La fièvre de monsieur de la Charnay dura 3 semaines avec quelques dangers. Dans ce premier temps, sa fille s'employa à le soulager avec une piété angélique. Mademoiselle Thérèse de la Charnay, alors âgée de 17 ans, était pour l'extérieur une femme faite, d'une taille élevée comme son frère, blonde et délicate, avec des yeux d'un bleu céleste et d'une douceur extrême. D'une grande timidité par suite de sa vie retirée, mais établie de bonne heure à la tête de la maison où elle avait pris l'habitude du commandement, elle se ressentait, sous ses deux rapports, de l'isolement où l'avait laissé la mort prématurée de madame la marquise, sa mère. Les gens du service, au reste, lui épargnaient les difficultés dans les soins domestiques dont elle s'était vue chargée. Les événements de la Révolution et la guerre avaient interrompu divers projets pour son établissement. Il avait été question d'un cloître et d'un mariage, mais le malheur de son père lui montra son devoir. Elle se fit l'Antigone de ce pauvre aveugle et se promit de ne le plus quitter tant qu'il vivrait. Elle s'appliqua d'abord à l'empêcher de sentir son mal, prévenant ses besoins, devinant ses désirs dans le moindre geste, partageant ses souffrances et le faisant, pour ainsi dire, voir par ses yeux. Elle lui dérobait la longueur des journées par des occupations qu'elle variait avec un art infini, tantôt par des lectures, tantôt lui jouant de vieux airs sur le clavecin. Ce fut elle qui l'accoutuma à marcher quand il put se lever et qui lui fit faire ses premières promenades dans le jardin au soleil du printemps, au point qu'il ne pouvait souffrir d'autres soins et ne se croyait plus en sûreté avec les domestiques. Gaston avait organisé un service de messagers qui se transmettait ses lettres de paroisse en paroisse ou même, quand les communications étaient assurées, il envoyait un de ses gens et tenait ainsi régulièrement le pays et le château au courant des opérations de la guerre. Mademoiselle de la Charnay lisait tout haut ses lettres, qu'on recevait avec joie, mais qui ravivaient toutes les plaies du marquis. Ce récit des événements, l'inquiétude, son exaltation, son impuissance, et cette infirmité qui l'enchaînait pour jamais dans un corps vigoureux, le rejetaient parfois en ses premiers accès. Son caractère en fut changé. Cet homme, si froid, si grave, si sévèrement tranquille, devint grondeur, irritable, violent. Il s'emportait sans ménagement contre ses gens et même contre sa fille. Mademoiselle de la Charnay, la première fois, le regarda avec épouvante, comme si elle eût douté que son père fût le même homme. Mais elle s'expliquait si bien ce changement, elle était si ingénieuse à le justifier, elle se représentait si bien les chagrins du marquis et tout ce que son mal devait lui faire souffrir, qu'elle le considérait en silence et se mettait à pleurer, sans avoir seulement le courage de l'apaiser. Souvent le marquis s'arrêtait lui-même, sa voix s'affaiblissait tout à coup, il passait la main sur son visage et poussant un soupir, « Ah, ma pauvre enfant, pardonnez-moi, ce n'est plus votre père qui vous parle, c'est un homme que la douleur égare. « mon Dieu, donnez-moi la patience. Vous êtes un ange, ma fille. » Il la pressait sur son cœur, tandis qu'elle s'efforçait de l'excuser, et rejetait son humeur sur quelque juste motif qu'elle prétendait lui en avoir donné par sa négligence. On peut juger surtout quelle influence exerçaient sur lui les nouvelles, bonnes ou mauvaises, de l'armée. Si la paroisse avait eu quelque échec, s'il était mort quelque brave homme du pays, le marquis en était si longtemps et si violemment agité que personne n'osait plus lui annoncer rien de pareil. Au reste, toutes les forces de son esprit se concentraient sur cette guerre avec une activité incroyable. Les manœuvres de l'armée royale, les décisions du conseil supérieur, ce que l'on faisait, ce que l'on eût dû faire, étaient le sujet de tous ses entretiens. Mais il n'avait plus que Mainvielle à qui parler de tout cela. Des femmes ne pouvaient guère s'intéresser à la politique. Mademoiselle de la Charnay, occupée de la maison, ne savait que s'effrayer et déplorer les malheurs publics. Mainvielle était un assez bon homme, mais bavard, raisonneur, sottement lettré et gagné dans le fond à la cause de la Révolution, qui venait de faire tout récemment son frère officier de simple sergent qu'il était. Le marquis s'en était aperçu dès longtemps et n'avait point osé se débarrasser de lui, de peur de l'avoir pour ennemi. Il le savait d'ailleurs honnête homme. Mainvielle en avait donné des preuves à Paris, où il avait tenu dans ses mains la vie de son maître, mais il avait assez volontiers gardé son franc-parler sur les événements, ce qui trop souvent impatientait le marquis et le dégoûtait peu à peu de cet homme. Il ne pouvait s'empêcher néanmoins de l'attaquer là-dessus. Cette opposition irritait sa manie, il avait la faiblesse d'en vouloir triompher. Il cherchait, comme c'est le propre des gens possédés d'une idée, à remettre sa plaie à vif par la discussion, et le silence lui était plus insupportable que la contradiction. Il s'en prenait d'ailleurs à tout le monde. Mademoiselle de la Charnay, avec cette délicatesse exquise des femmes, éludait ses questions ou savait y répondre sans le blesser. Mais Mainvielle, grossier quoique respectueux et gâté de pédantisme, n'était point capable de ces ménagements dans un temps où la République, après tout, gouvernait la France. Jusqu'alors, il est vrai, on n'apprenait que des victoires du côté de l'armée catholique. Les généraux Salomon et Ligonier avaient essayé de couvrir Saumur d'une armée qui avait été dispersée et presque détruite. Le marquis avait fait illuminer le château et chanter un Te Deum dans la chapelle à cette occasion. Cependant, ces victoires mêmes, en redoublant son exaltation, leur plongeaient du plus haut dans son abattement par l'impuissance d'y prendre part. Mainvielle, au milieu des Vendéens, effrayée sans cesse du bruit de leurs avantages, d'imprécations et de menaces contre son parti, de vœux contraires aux siens, n'osait pas toujours se prononcer ouvertement, et peu s'en fallait souvent qu'il ne crût sa cause décidément ruinée. Le marquis, pour des raisons analogues, dans la crainte et l'incertitude, gardait la même réserve, et ils demeuraient tous deux dans une défiance irritable qui augmentait leur éloignement. Mais le marquis était devenu grand parleur, on s'abordait chaque jour d'un ton composé de part et d'autre, et les débats s'engageaient infailliblement. « Eh bien, Mainvielle, disait un matin le marquis, qu'a-t-il de neuf aujourd'hui ? Je n'ai rien appris, monsieur le marquis. Je gagerais que nos gens sont à Tours en ce moment-ci. « Cela peut être, » disait encore Mainvielle modérément. « Cela doit être puisqu'on a marché sur le ventre des bris de la division Ligonier. Qui est-ce qui l'a dit ?»« Tout le monde sait cela ici. C'est le fils du meunier qui en a porté la nouvelle. »« Oh oh, c'est donc le fils du meunier à l'imagination prompte. »« Monsieur Mainvielle, c'est un brave jeune homme, incapable, entendez-vous, d'en imposer là-dessus. »« C'est peut-être alors qu'on l'a dit pour faire plaisir à monsieur le marquis. » Mainvielle attaquait là une terrible corde. Il était vrai qu'on grossissait au marquis les bonnes nouvelles et qu'on lui dissimulait toujours un peu les désavantages. « Et qui donc, reprit le marquis tout enflammé, serait assez osé pour me tromper? Je vous prie de n'en soupçonner personne. » Mainvielle reprit d'un ton plus bas. « Il y a 8 jours, la citadelle de Saumur s'approvisionnait et le général Salomon... »« Eh bien, On a culbuté le général Salomon. Ah, monsieur le marquis, j'ai peine à croire que des hommes comme le fils du meunier, qui n'ont jamais tiré que des lièvres, battent toujours de bonnes troupes et de vieux officiers. Des régiments sans chef, sans officier. Il a pu s'en former, monsieur le marquis. Le marquis pâlit. C'était son endroit sensible. Il ne pouvait supporter cette idée que des hommes de rien, des soldats de la veille, eussent usurpé en 6 mois ces mêmes grades qu'ils avaient obtenus après 25 ans de service. Il s'écria. Des caporaux qui ont ramassé la défroque de leur supérieur, des misérables qui ont volé l'épaulette et qui le dernier goujat devrait l'arracher de la poitrine. Ceci, dit au fort de la colère et peut-être sans intention, tombait en plein sur le frère de Mainvielle. Mainvielle, suffoqué, se tut. Le marquis reprit. Nos paysans, mal armés, mal instruits, je les ai vus à l'œuvre, je les commandais à toi, et je sais quels hommes en font la rage, le désespoir et l'enthousiasme d'une cause sainte. L'enthousiasme de la liberté. Oui, l'enthousiasme des égorgeurs de l'abbaye, l'ivresse du sang et du pillage. Il y a eu des excès, cela est vrai, mais peut-être ils étaient nécessaires. La cour a fait de grandes fautes. Que Dieu les confonde ! Cria le marquis. Toujours la même sottise. Laissez-moi, Mainvielle, laissez-moi. Meurt votre infâme république, et meurent ces brigands comme ils le méritent et comme je l'espère. Les discussions grossissaient ainsi et s'envenimaient à mesure jusqu'à provoquer un éclat. Mainvielle alors se retirait, le marquis demeurait pâle, tremblant, brisait quelques meubles et tombait en des accès qui effrayaient sa fille. Elle en avait souvent parlé à Mainvielle avec douceur en le suppliant d'avoir égard. « Que monsieur le marquis ne m'interroge pas, » disait Mainvielle. « Je suis désolé de lui répondre, mais je suis incapable de trahir ma façon de penser. » Et mademoiselle de la Charnay avait beau faire, ces fâcheuses scènes se renouvelaient toujours. Souvent, l'effet d'une pareille conversation se prolongeait jusqu'au lendemain. Le maître et le serviteur affectaient de s'éviter, de ne parler de rien, mais ils mouraient d'envie l'un de l'autre d'en revenir aux prises, et le premier mot suffisait. C'était le feu caché du caillou que le moindre frottement fait jaillir. Le grand mal de cette mésintelligence était la difficulté qu'on avait à cacher les mauvaises nouvelles au marquis, parce que Mainvielle ne se faisait aucun scrupule de le détromper dans la discussion, et même s'en prévalait pour les lui apprendre, avec cette malice, presque involontaire, qu'aiguise l'habitude de la contradiction. Mademoiselle de la Charnay, quoique présente, n'empêchait rien. Si elle essayait de jeter un mot dans la dispute pour l'apaiser, le marquis impatient s'oubliait jusqu'à lui imposer silence. Mais sa tendresse était à toute épreuve. Elle excusait tout, et n'ayant plus de ressources qu'en Mainvielle. « Je vous en prie, » lui disait-elle souvent, « ayez pitié de mon père. N'est-il pas assez malheureux ? Ne comprenez-vous pas qu'il souffre, toujours enfermé en lui-même, sans consolation, sans relâche ? Rien ne le distrait, tout concourt à lui faire sentir plus vivement son mal. Hélas, il ne vit plus que d'espoir, pour l'amour de ses opinions, par cet intérêt qu'il prend à la guerre, et vous allez lui disputer sa chimère, le troubler dans son rêve. Vous lui dérobez ce dernier rayon de soleil qui perce dans son âme. Eh quoi, n'est-il pas heureux plutôt de ne pas voir ce qui se passe, les échafauds dressés, les croix renversées, la France noyée de sang ? Pauvre père, laissons-le dans son ignorance, laissons-lui croire que tout va bien, que la France se remet, que le jeune roi va remonter sur son trône, que les armées sont triomphantes et les méchants vaincus. Mon Dieu, s'il ne dépendait que de moi, il vivrait heureux. Je le garderais de tous les bruits du dehors. J'empêcherais le mal d'arriver jusqu'à lui. Il reposerait en paix, comme les enfants qu'on berce de beaux contes. » Mainvielle était touchée, approuvait, mais le lendemain, il n'était plus maître de lui. Au commencement de juillet, les armées coalisées échouèrent à l'attaque de Nantes. Catelineau fut tué. La désolation courut le pays. Le bruit se répandit que les Bleus allaient s'avancer sans obstacle, se venger sur tous les châteaux et exercer d'horribles représailles. Les paysans à Vauvert se racontaient les événements en tremblant. Mademoiselle de la Charnay savait tout, sans trop se rendre compte de la gravité de ces désastres. Elle empêchait seulement que ces nouvelles vinssent aux oreilles du marquis. Une lettre de Gaston arriva. L'échec de Nantes était peint avec la colère et la passion d'un jeune homme. Mademoiselle de la Charnay vit l'effet que cette lettre allait produire. Elle en passa la moitié et feignit que son frère n'avait pas eu le temps d'entrer en plus de détails. Le coup n'était déjà que trop rude. Le marquis demeura silencieux tout un jour. Mainvielle respecta ce silence, mais il laissait percer je ne sais quel empressement et quelle satisfaction dans son service. Il se doutait d'ailleurs qu'on n'avait pas tout dit au marquis. Celui-ci brûlait en effet de dépit et de curiosité. « Eh bien, Mainvielle, » dit-il enfin avec effort, « les bleus nous ont battus. »« On le dit, monsieur le marquis. »« Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils vont attaquer sans artillerie une ville qu'ils ont laissée paisiblement faire ses préparatifs. Il fallait l'emporter d'assaut après la prise de Saumur. » « Mais, » dit Mainvielle avec empressement, « Saumur vient d'être évacué. Ou bien il fallait se joindre à M. Charette, forcer le passage de la Loire et soulever la Bretagne, qui nous attend les bras ouverts. Oui, mais M. Charette, battu à Nantes, s'est retiré dans le Bas-Poitou. L'armée peut détacher deux divisions. Elle a perdu beaucoup de monde. On fera de nouvelles levées. Les villages sont bien déserts. On se fortifiera et l'on se battra dans tous les châteaux. » « C'est qu'il ne reste plus grand monde dans les châteaux. »« Eh bien, » s'écria le marquis exaspéré, « ils s'arrêteront au moins devant le mien, et la dernière pierre en croulera sur ma tête avant qu'il fasse un pas de plus. » Il donna un grand coup de sa canne sur le parquet, sa voix faisait trembler les vitres. « De grâce, monsieur le marquis, vous ne voudriez pas exposer la vie de tous vos gens. Tous mes gens sont résolus à mourir comme moi. Ah, monsieur le marquis, de quelque fidélité qu'il soit, il y en a peut-être qui n'y sont pas disposés. Ceux-là sortiront, s'écria le marquis, comme on chasse d'une place les lâches et les traîtres avant les résistances désespérées. Mainvielle, atteint au vif, perdit contenance. Mademoiselle de la Charnay, qui accourait au bruit, l'entraîna vers la porte. Elle revint à son père, qui s'était laissé tomber sur un siège, et le trouva si pâle, si hors de lui, que les larmes lui vinrent aux yeux. Elle s'installa près de lui, sans essayer même de le calmer, il ne dit plus une parole de toute la journée. Le soir, comme mademoiselle de la Charnay traversait les appartements inférieurs, on trouva Mainvielle qui l'attendait et la prit à part. « Mademoiselle, je vois bien que mes services ne sont plus agréables à monsieur le marquis. Je vous supplie de me donner mon congé. Mon frère sert parmi les bleus. La guerre devient terrible, et je vois le moment où je serai forcé de prendre les armes avec vos paysans. » Monsieur le marquis est un excellent maître, mais je ne puis lui sacrifier ma conscience. Je vais à Saumur, chez mon beau-frère, qui y est établi, et de là à Paris pour chercher une condition. Je conserverai toujours le souvenir de vos bontés, et si jamais je puis vous être utile en quelque chose, comptez sur Mainvielle. » Mademoiselle de la Charnay, fort surprise, essaya de lui faire des représentations, mais il insista, ses paquets étaient faits, et il voulait partir. Au fond, elle sentait que c'était là une occasion de rétablir la paix dans la maison, à laquelle elle n'eût osé songer et qui se présentait d'elle-même. Mais elle reprit « Attendez que je consulte mon père, ou du moins que je le prévienne. Je ne puis prendre sur moi de vous laisser aller. » Le lendemain, Mainvielle, en habit de voyage, se présenta chez M. de la Charnay qui lui dit « Tu veux donc nous quitter, Mainvielle? Que le ciel te conduise. Recommande-toi de moi, s'il en est besoin. » « Je vous remercie, mon cher maître, et si j'osais, on ne sait, par le temps qui court, ce qui peut arriver, je vous prierai aussi de compter sur moi les miens dans l'occasion. »« Ce n'est pas de refus, » dit le marquis. « Adieu, mon ami. » Il tendit la main à Mainvielle, qui la baisa. Mainvielle partit avec trois paysans de Vauvert, qui devaient l'accompagner jusqu'à 3 lieues environ du château. Delby était généralissime depuis la mort de Catelineau, et l'échec de Nantes avait été vengé sur le républicain Westermann, qu'on venait de tailler en pièces. Jusqu'alors, ces nouvelles arrivaient fort exactement à Vauvert par les soins de Gaston. Quelques blessés, quelques paysans qui revenaient embrasser sa femme et ses enfants, ou même des messagers directs, portaient ces lettres au château. Gaston, d'abord par plaisanterie, leur avait donné la forme d'une gazette. Il s'y habitua par commodité, toujours pressé. Dans les marches, le pied à l'étrier, il marquait les jours par date et signalait en peu de mots ce qui s'était passé. Comme on savait au château avec quelle impatience on attendait ses papiers, c'était une joie pour tout le monde, et le messager de la porte était annoncé par des cris. Mademoiselle de la Charnay lisait aussitôt les lettres. Les domestiques écoutaient en dehors. Le marquis donnait à peine le temps de parcourir le papier, et selon qu'il jugeait les mouvements heureux ou mauvais, il frappait du pied ou entrait en des agitations alarmantes ou des mouvements de joie extraordinaires pour un homme de son âge et de son caractère. Encore faisait-il souvent des efforts pour se modérer, et tout autre n'y eût rien vu, mais mademoiselle de la Charnay, accoutumée à l'étudier, suivait ses mouvements, devinait ses transports, et demeurait à l'observer, haussant les épaules d'un air de profonde et douloureuse compassion. L'effet d'une dépêche affligeante était si violent et si durable, et mademoiselle de la Charnay l'avait éprouvé tant de fois, que l'arrivée de ses lettres lui causait des saisissements insupportables. Souvent elle passait des phrases entières, où elle en détournait le sens à la hâte, mais souvent aussi, le marquis la pressant, elle se trouvait entraînée à lire des détails désastreux. Sa voix faiblissait, elle cherchait à dérober une ligne, un mot, sans pouvoir y réussir, et son père restait sous le coup de la fatale nouvelle jusqu'au courrier suivant. Le château, cependant, était, depuis le départ de Mainvielle, dans une tranquillité inespérée, et mademoiselle de la Charnay n'avait que plus de crainte de la troubler. Ce fut alors qu'elle s'avisa de donner des ordres afin que les dépêches fussent désormais remises sans bruit entre ses mains. Elle les ouvrait seule, d'abord, et jugeait ainsi ce qu'elle devait lire ou cacher à son père. Mais elle se reprochait cette supercherie que tous ses apprêts lui donnaient le temps de peser et qui la faisait rougir. Sur ces entrefaites arriva une singulière nouvelle. Mainvielle avait été pris et fusillé par les Républicains, et voici comment. Il se proposait, comme il avait dit, d'aller trouver son beau-frère à Saumur. Il s'était mis en route à Bressuire sur un cheval de louage, portant sur lui les économies qu'il avait faites au service de M. de la Charnay. On lui avait conseillé de se déguiser en marchand de bestiaux, mais il n'en avait rien voulu faire, se vantant de n'avoir rien à craindre de ses frères les Républicains, qui hasardaient de forts détachements dans le pays. Le 17 août, il tomba dans les avant-postes d'une colonne républicaine. Cette guerre était un pillage. On le fouilla, on lui trouva de l'or. Son costume honnête servit de prétexte, on dit que c'était un espion. Il eut beau se réclamer de son frère, officier dans l'armée, il fut fusillé le long d'une haie. Cet événement ne fut connu que bien plus tard et fit beaucoup de bruit à Beauvers. On ne put le cacher à M. de la Charnay, qu'il leva les mains au ciel et plaignit du fond du cœur son pauvre domestique. Cette nouvelle produisit une grande impression sur mademoiselle de la Charnay elle-même. Elle ne put s'empêcher de songer aux difficultés qu'avait suscité Mainvielle dans la maison, et que désormais leur peau et l'humeur de son père ne dépendaient plus que d'elle. On reçut justement peu après deux lettres de Gaston, qui annonçaient coup sur coup les batailles de Cholet, de Mortagne, de Châtillon, perdues par les royalistes, la levée en masse des républicains, le tocsin sonnant dans tous les districts autour de la Vendée, l'arrivée des Maillançais, le malheur de messieurs d'Elbé, de Bonchamp, de Lescure, blessés mortellement. Gaston, désespéré, racontait ces événements dans toute leur vérité. D'affreux détails remplissaient ses lettres. Il était impossible d'en détacher une phrase qui ne signalât un désastre. Mademoiselle de la Charnay frémissait rien qu'à l'idée de les lire telles qu'elles étaient. Mainvielle n'était plus là pour démentir des succès imaginaires ou révéler les malheurs qu'on voulait cacher. À bout de ressources et d'expédients, fatiguée de voir le journal de Gaston troubler le repos de son père, elle résolut, avec la légèreté et la sollicitude irréfléchie d'une jeune fille, de supprimer ses lettres ou de les altérer, si bien qu'il n'en sut rien de plus. Un jour, une lettre de Gaston qu'on attendait n'arriva point. Elle n'avait pas prévu ce coup. Le marquis demanda dès le matin les nouvelles. Il fallut se résoudre à lui dire qu'il n'était rien arrivé. On se rejeta sur le mauvais état des chemins et le retard possible des messagers. Mais il entra dans une sombre inquiétude que rien ne pouvait dissiper. Deux jours se passèrent, Gaston n'écrivait pas. On parlait dans le pays de nouveaux malheurs. La situation du marquis empirait. Il imaginait les plus grandes catastrophes. Mademoiselle de la Charnay, désespérée, fut conduite par la suppression des dernières lettres à en supposer de tout à fait fausses. Elle demeura tout un jour livrée à cette pensée qui lui donnait de grands scrupules. La semaine s'écoula, et le jour revint où arrivaient ordinairement les dépêches. Mademoiselle de la Charnay passa la matinée dans sa chambre au milieu de papiers et de cartes géographiques, écrivant, raturant, étudiant des termes militaires qu'elle n'entendait pas. Vers le milieu du jour, elle entra chez son père en disant « Voici nos lettres ». Le marquis se leva en sursaut. Elle tira, toute tremblante, un papier de son sein. Monsieur de la Charnay était trop ému lui-même pour soupçonner rien à cette émotion. Il tenait sa fille embrassée, prête à saisir, pour ainsi dire, au passage, les paroles qu'elle allait prononcer. Elle lut ceci d'une voix mal assurée. du 22 septembre. Depuis l'attaque de Nantes, les armées catholiques campent sur la rive gauche de la Loire. Plus de troupes devant nous. La garnison, encore effrayée de cette entreprise hardie, n'a point osé quitter ses murs. Au reste, ce n'est qu'un échec peu décisif et qui a été bientôt réparé. Qu'appelle-t-il échec peu décisif ? S'écria le marquis. La guerre pouvait être finie. À quoi pensent donc ces messieurs ? Mademoiselle de la Charnay demeurait interdite, quoiqu'elle eût à peu près copié ce passage. « Poursuivez, lisez, ma fille, » dit le marquis. 25 septembre. Ce fameux Westermann qui se vantait d'écraser le Poitou avec une seule légion a été battu à la tête d'un corps considérable. On dit que cet homme commandait les Marseillais la journée du 10 août. Je voudrais le voir entre les mains de nos Allemands. 28 du même mois. Monsieur de Lescure n'a pas de bonheur. Voici encore deux balles qui lui sont entrées dans le corps. Je ne lui connais pas d'affaires, il n'ait reçu sa balafre. Il commande toujours, emmailloté de compresse. 30 septembre, 3, 6, 9 et 10 octobre. Nous avons battu et poursuivi pendant 3 lieues à Coron cet abominable Santerre et ses troupes. C'est ce misérable qui a mené le roi à l'échafaud. Nous l'avons connu trop tard. Un de nos cavaliers l'a pourchassé une grande heure. Il ne s'est sauvé qu'en faisant sauter à son cheval un mur de 8 à 10 pieds. Mademoiselle de la Charnay avait pris ce détail dans une lettre antérieure. Elle l'avait passé sous silence dans le temps où elle pouvait épargner à son père jusqu'à l'amertume d'un souvenir. Du 10 au 20 octobre, les Maillancais sont à demi détruits. La division du Haut a été très maltraitée à Saint-Lambert. Cela peut passer comme une bonne déroute. Monsieur de Lescure a fait des prodiges. Le général Besser s'est ensuite avancé jusqu'à Montaigu. On l'a taillé en pièces. Miescoussi a été écrasé à Saint-Fulgent. Les Bleus sont terrifiés. La défaite de la célèbre armée de Mayence les a fort abattus. Nos gens sont électrisés. L'armée est toujours unie. Nous regorgeons de vivres et de munitions. À bientôt du meilleur. Je vous embrasse. Vive le roi. Ces notes avaient été rédigées sur des renseignements qui couraient le pays et sur de véritables lettres de Gaston que Mademoiselle de la Charnay conservait et triait avec soin. Le marquis avait écouté avidement. Il jeta les bras au cou de sa fille. « Allons, tout va le mieux du monde, le cher enfant. Il ne dit pas un mot de lui. C'est la modestie qui convient, jeune officier, mais je suis sûr qu'il fait son devoir. « Colombe, cria-t-il, appelez Colombe, afin qu'on aille prévenir le curé de ces bonnes nouvelles. » Ils allèrent ensuite se promener dans le mail. « Maintenant, disait le marquis, se parlant à lui-même, si les chefs sont sages, j'ai grande confiance en M. de Lescure et en M. de Bonchamp. Si les chefs sont habiles et prudents, ils exécuteront promptement et hardiment leur projet d'invasion au-delà de la Loire. Au surplus, s'ils veulent me faire l'honneur d'écouter l'avis d'un vieil officier, je vous dicterai des vues qui me sont venues là-dessus et que vous leur écrirez en mon nom. » Le curé vint les rejoindre. Mademoiselle de la Charnay s'était ouverte à lui de son innocent artifice, et il était parfaitement instruit de l'étrange situation de son père. C'était un digne homme, assez simple, que les discours et l'enthousiasme du marquis étonnaient toujours. Mademoiselle de la Charnay l'avertit d'un signe quand il arriva, car la consternation régnait dans la paroisse à cause des mauvais bruits qui étaient survenus. « Eh bien, monsieur le curé, dit le marquis, savez-vous où nous en sommes? Cette terrible armée de Mayence est détruite. 3 défaites coup sur coup. Qu'est-ce donc qui nous empêche de marcher sur la convention ?» Le curé regarda le marquis. Mademoiselle de la Charnay surveillait le curé. Après quelques mots de part et d'autre et des commentaires sur les prétendues nouvelles, M. de la Charnay reprenant le cours de ses réflexions, « Tout cela est bel et bon, assurément. Mais à quoi sert de nous épuiser dans nos provinces, où nous serons tôt ou tard écrasés? Dans l'état présent d'anarchie et de guerre étrangère, une seule victoire sur la route de Paris nous en ouvrirait les portes. Qui sait, les villes, les provinces et la quantité de bons citoyens qui n'attendent que le moment de se déclarer? Non, toute la France n'est pas ivre du sang de son roi. Non, cet excellent peuple n'est pas devenu tout à coup une horde de sauvages. Ce mouvement des fédéralistes est un premier effort vers le bien. On nous dit que nos hommes ne valent rien hors de leur pays. Mais tant de succès les ont aguerris, ils ont une confiance aveugle en leur chef, ils les suivront partout à la mort. » Il s'exalta plus que de coutume par la joie des succès qu'il venait d'apprendre et par l'espérance qu'il concevait. Le curé l'écoutait d'un air stupéfait. Il naissait de ce contraste une sorte de comique touchant, qui eût fait à la fois pleurer et sourire. Mademoiselle de la Charnay en avait l'âme brisée. Le marquis reprit. « Mais avant tout, il faut amener la convention à traiter, et pour première condition, obtenir la délivrance de la reine et de son fils. La place du roi de France est au milieu de son armée, et pour cela il faut prendre Nantes. Les paysans, dites-vous, ne se battent bien que chez eux. Pourquoi donc les mener en je ne sais quelles expéditions de la Normandie et du Maine? Pourquoi s'exposer à rejoindre des secours douteux de la marine anglaise ou quelques levées promises à la légère aux environs de Laval? Veut-on dépayser nos gens et donner à la Convention le temps de nous écraser d'armées toujours nouvelles? Courons donc à Paris. Mais on peut échouer. Eh bien, la guerre sera finie pour ce malheureux pays, et vous sauvez du moins vos enfants et vos femmes, que l'ennemi qu'on y attire ne manquera pas d'égorger. Quant aux Anglais, qu'on s'en méfie, qu'ils débarquent, s'ils veulent, de l'argent et des munitions, mais point de détour pour les prendre. L'ennemi en a fourni jusqu'ici. Au surplus, j'ai imaginé un plan de campagne. J'y réfléchirai encore. Vous écrirez tout cela, ma fille. » Le curé haussait les épaules avec compassion et ne trouvait pas une parole. Mademoiselle de la Charnay tremblait que cette froideur ne donnât des soupçons à son père et s'efforça de mettre fin à l'entretien. Cependant, il éprouvait de jour en jour plus de peine à dissimuler le terrible retard de son frère et, n'osant plus reculer dans ses expédients, elle se trouvait entraînée à supposer de nouvelles lettres. Elle étudiait la correspondance de Gaston et les gazettes. Elle prit des informations avec les paysans. Elle passait des nuits entières à ce travail. En lisant ensuite ses notes, il lui arrivait souvent de se tromper sur les règles stratégiques et le marquis se récriait « Quoi? Mon fils ne sait pas mieux la guerre ?» Ou bien il interrompait tout net « Comment? Qu'est-ce? Mais cela est impossible !» Et mademoiselle de la Charnay s'arrêtait, se reprenait et s'excusait sur ce qu'elle avait mal lu. Le marquis devenait de plus en plus exigeant. Il ne s'inquiétait plus seulement des revers, mais il mettait son impatience et sa chaleur ordinaire à vouloir qu'on eût chaque jour de nouveaux succès. Depuis quelque temps, il désirait par-dessus tout qu'on prît Nantes, disant sans cesse que c'était là le point capital de la guerre. Sa fille finit par lui annoncer que cette ville avait été prise. À quelques jours de là, comme sur les représentations du curé, elle résistait à supposer d'autres lettres, elle se hasarda à convenir que l'on n'avait pas reçu de nouvelles, à cause sans doute que les communications étaient coupées. « Mais puisque nous avons pris Nantes, » dit le marquis, « qu'est-ce qui empêche les lettres d'arriver, et pourquoi n'en recevrions-nous pas ?» Mademoiselle de la Charnay faillit se trahir. Elle s'en tira comme elle put et abonda dans le sens du marquis. « Eh bien, » reprit-il, « vous voyez que nous ne pouvons manquer d'avoir des nouvelles demain. » Et sans doute nous apprendrons l'ouverture des négociations pour la délivrance de la reine et du jeune roi, car au train des choses, il ne peut en être autrement. » Après la prise de Nantes, il parlait de cet événement comme d'une suite inévitable, et il s'y attendait si bien que mademoiselle de la Charnay n'osa se dérober à cette conséquence. Elle se vit donc forcée d'écrire une lettre où elle annonçait en effet ce qui avait été compté souvent par les Vendéens parmi les probabilités de la guerre, c'est-à-dire une négociation pour la délivrance du jeune roi. Sur ces entrefaites, elle reçut une lettre de son frère qui lui apprenait le passage de la Loire et qui pour un moment la tira d'inquiétude, car ce passage, dont on ne savait pas les détails, paraissait de bon augure. Elle ne put cependant se servir de cette lettre qu'en y prenant des matériaux pour sa fausse correspondance. Elle reçut encore deux ou trois billets venus à travers mille périls. Après quoi elle ne reçut plus rien, elle ne douta point que son frère ne fût mort. Cependant, l'agitation du marquis ne faisait qu'empirer. Son imagination s'échauffait sur ces heureux événements qu'on lui annonçait coup sur coup, et qui avaient lentement élevé dans son esprit un édifice de bonheur et d'espérance qu'il fallait renoncer à détruire. Il s'occupait sans cesse de plans politiques et militaires qu'il dictait à sa fille et qu'elle ne savait ni où ni à qui envoyer. Il se croyait sûr du triomphe des royalistes. Ses papiers s'amoncelaient dans un tiroir où mademoiselle de la Charnay ne pouvait les voir sans pleurer. Elle se trouvait désormais entraînée à nourrir ces illusions qu'elle avait fait naître. Rien n'échappait à l'inflexible logique du marquis. Tel événement qu'elle avait annoncé sans y penser voulait telle conséquence. Telle manœuvre, tel mouvement dont elle ignorait la valeur en faisait attendre tel autre, et pour ne pas se démentir, elle était obligée d'accorder ses conséquences dans la lettre suivante. C'est ainsi qu'elle se vit contrainte d'annoncer et de suivre les prétendues négociations au sujet de la famille royale et de les terminer heureusement. Cette nouvelle mit le comble à l'exaltation de Monsieur de la Charnay. Dès longtemps, les gens du château étaient prévenus ainsi que tous ceux qui auraient pu le détromper. Au reste, on ne le regardait plus que comme un enfant qu'on laisse déraisonner, et l'on haussait les épaules à l'entendre parler de choses si éloignées de l'affreuse vérité. Ses souffrances, son isolement, son idée fixe faisaient de cet homme un fou véritable. Voici la lettre que Mademoiselle de la Charnay fut amenée à lui lire en cette circonstance. Au camp de Saint-Florent-le-Vieil, le 9 décembre 1793. L'armée catholique et royale triomphe de toutes parts et occupe toute la ligne de la Loire depuis Blois jusqu'à Nantes. C'est dans cette attitude que nous avons reçu leur majesté des mains des commissaires durant la trêve convenue. La convention ne peut résister longtemps et nous demande de plus longs accommodements. Elle vient de perdre 3 batailles sur le Rhin. Le hideux comité est accusé jusque dans son sein. On nous reçoit partout comme des libérateurs. Les départements du Midi sont en insurrection et sur le point de se joindre à nous. Les provinces abattent leurs échafauds, les bons citoyens s'unissent, tout le monde abandonne la cause des monstres. La religion est remise en honneur, et avec elle refleurit l'amour du roi, de la paix et de la vertu. C'en est fait, le drapeau blanc va voler de clocher en clocher. Toutes les portes s'ouvrent devant notre belle devise. Nous ne venons point concourir des villes, mais des cœurs. Vive le roi! Or, voici quel était en ce moment le véritable état de la France et de l'expédition vendéenne. Les principaux chefs étant morts, l'armée catholique, pressée de tous côtés par les Bleus, venait de passer la Loire sous le commandement de Henri de La Roche-Jacquelin. C'est pourquoi Gaston n'écrivait plus. On connaît les détails de ce passage. Une population de 60 000 âmes, femmes, enfants, vieillards, se pressant par une nuit orageuse sur la rive gauche du fleuve, à la lueur des villages en flammes, épouvantés par les détonations lointaines de l'artillerie et la fusillade des patrouilles républicaines. Un amas de blessés qu'on ne voulait pas abandonner et qui criaient avec leurs femmes et leurs enfants. L'héroïque Bonchamp couché sur un matelas et encourageant les soldats de sa voix mourante. La terrible traversée tentée sur quelques bateaux trouvés à grand-peine, des malheureux s'y précipitant à la fois pour fuir plus vite le fer et le feu, les bateliers furieux les repoussant à coups d'aviron, des radeaux construits à la hâte qui s'engloutissaient au milieu du fleuve et des blessés dans l'eau qui tendaient leurs mains vers leurs frères en poussant des cris effroyables. Enfin, sur l'autre rive, des éclairs sinistres, l'obscurité pleine de terreur et d'incertitude, la mousqueterie des détachements accourus pour s'opposer au passage et sans doute la mort à laquelle on venait d'échapper. Les armées républicaines de Saumur et de Nantes s'étaient concertées pour écraser dans sa marche le reste de ce malheureux peuple. On avait écrit à la Convention que c'en serait fait en 15 jours. La Vendée était donc abandonnée et les colonnes infernales venaient d'y entrer le fer et la torche à la main. Ce système abominable venait d'être inventé par le général Thureau. Les châteaux, les couvents, les métairies sans défense étaient pillés et brûlés et les habitants sans distinction passés au fil de la baïonnette. Les soldats, las de tuer, envoyaient les prisonniers par milliers à Nantes où Carrier venait d'arriver, où les noyades, les fusillades et la mitraille abrégeaient la tâche des bourreaux. Le reste de la France était couvert d'échafauds. La reine avait suivi son royal époux à la mort. On était au fort de la terreur.